C'est l'heure du journal sur Radio Isanganiro. Merci d'être avec nous. Voici d'abord les grandes lignes. Le ministre de l'Agriculture, Prosper Dodiko, a annoncé ce mercredi devant l'Assemblée nationale que la Nagesa entamera l'achat de la récolte de maïs à l'échelle nationale dès ce jeudi. La capacité énergétique du Burundi a doublé en 5 ans, atteignant 118 MW en 2025 à l'inauguration du nouveau barrage hydroélectrique d'Ujiji d'une capacité de 32,5 MW à Songa. Le président Evariste Ndayishimiye a encouragé la villagisation pour faciliter l'accès à l'électricité. Lancement ce mardi en province Kayanza du projet Ndi Uwagaciro porté par le centre Seluka pour une durée de 2 ans. Ce programme vise à lutter contre la violence basée sur le genre et plaide notamment pour la gratuité de l'expertise médicale à destination des victimes de violences sexuelles. Les détails dans un instant avec à la présentation Ornella Mucho. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois. Une réunion des commissions sectorielles sur l'énergie, les transports, les communications et les technologies de l'information des pays membres du COMESA se tient actuellement à Bujumbura. Cette rencontre de 2 jours débutée ce mercredi prépare la 14e réunion des ministres en charge de ces secteurs prévue ce vendredi et réunira les 21 États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. L'objectif est principal est de développer des mécanismes de préparation de projets susceptibles d'être financés afin de stimuler le développement de ces secteurs clés concernant l'énergie. Les délégués ont souligné que l'accès reste encore limité dans la région avec une capacité totale d'environ 100 000 MW pour l'ensemble des États membres au Burundi. 70% de la population urbaine a accès à l'énergie contre seulement 5% en milieu rural. Globalement, seuls 12% des Burundis bénéficient d'un accès à l'électricité, un chiffre que le délégué burundais estime devoir être actualisé. Avec la capacité énergétique du Burundi est passée de 47,7 MW en 2020 à 118 MW en 2025. Cette annonce a été faite ce mardi par le président de la République Évariste Ndayishimiye lors de l'inauguration du nouveau barrage hydroélectrique de Djidji d'une capacité de 32,5 MW en commune Songa, province Bururi. À cette occasion, le chef de l'État a appelé les Burundais à s'impliquer activement dans les projets de développement nécessitant de l'énergie électrique et envisager de se regrouper en village afin de bénéficier des avantages de la villagisation, notamment l'accès à l'électricité. Le point avec Zeno Nzambiman. Après l'inauguration officielle de la nouvelle centrale hydroélectrique Djidji construite en zone de Muheka de la commune Songa, province de Bururi, le président de la République a dans son discours affirmé que l'eau c'est la vie, l'électricité c'est le développement. Evariste Ndayishimiye se réjouit du fait que la capacité énergétique du pays est triplée cette année par rapport à l'an 2020, passant de 47,5 à plus de 118 MW, ce qui ouvre la voie à de nombreux projets économiques, car sans électricité, on ne peut pas arriver au développement, a-t-il souligné. Le chef de l'État a appelé les Burundais à se lever et à s'atteler aux projets nécessitant du courant électrique et à songer à se regrouper en village pour bénéficier des avantages de villagisation, dont l'eau propre et l'électricité. Le président Evariste Ndayishimiye a vivement remercié les partenaires techniques techniques et financiers qui ont permis la réalisation de ce projet. Vous saurez que le barrage Djidji, inauguré ce mardi, a une capacité de 32,5 MW, alors que celui de Mulembwe, du même projet qui produira 17 MW, sera également inauguré avant la fin de cette année, selon les informations en provenance de la régie des eaux. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Les partenaires au développement et à financer ce projet estiment que cette infrastructure constitue une solution au développement économique et social du Burundi. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint rendu public à l'occasion de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Djidji. Jean de Dieu et la Côte. Dans ce communiqué des partenaires au développement et à cofinancer les travaux de construction de ce barrage de Djidji, à savoir la Banque africaine de développement BAD, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale et l'Union européenne, Pascal Yembline, responsable pays de la BAD au Burundi, a déclaré que cette institution est fière d'avoir contribué et que cette infrastructure elle régira l'accès à une énergie fiable et abordable au service d'un Burundi durablement prospère. Edward Kreisen, chef régional de la Banque européenne d'investissement pour l'Afrique de l'Est, a quant à lui déclaré que ce projet fait partie de la stratégie de l'Union européenne pour développer des infrastructures propres et durables en Afrique, mais aussi aligné sur les efforts de décarbonisation dont les entreprises ont besoin pour croître. Awa Sisewage, représentante de la Banque mondiale au Burundi, a ajouté que la centrale hydroélectrique de Djidji ainsi que les lignes et postes construits dans le cadre du projet ne sont pas des infrastructures comme les autres. Elle a martelé que cette infrastructure vient comme une solution pour le développement économique et social du Burundi. Elisabetta Pietrobon, ambassadrice et chef de délégation de l'Union européenne au Burundi, a souligné que l'énergie demeure une priorité cardinale dans le développement et dès lors dans la coopération de l'Union européenne. Ce communiqué souligne que l'ensemble des partenaires au développement du Burundi ont unanimement réaffirmé leur engagement à accompagner le pays dans ses efforts de transformation sur la voie de sa vision stratégique. Devenir un pays émergent à l'horizon 2040 et un pays développé d'ici 2060. En définitive, il précise que dès la phase de construction, le projet a permis de créer plusieurs centaines d'emplois, stimulant l'économie locale tout en renforçant les capacités techniques des communautés environnantes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Prosper Dodiko, a annoncé que la Nagesa débutera l'achat de la récolte de maïs à l'échelle nationale dès ce jeudi. Ce processus initialement prévu pour le 16 juin a été retardé en raison des préparatifs internes, notamment liés au paiement du personnel. Il a ajouté que cette campagne de collecte sera digitalisée. Le ministre s'exprimait mercredi devant les députés lors d'une séance plénière consacrée à ce sujet. Lancement du projet Ndi Wagachiro en province Kayanza ce mardi. Ce programme d'une durée de 2 ans vise à lutter contre les violences basées sur le genre. Béatrice Valandereka, coordinatrice du projet au sein du centre Seluka, précise que parmi les objectifs figure le plaidoyer pour la gratuité de l'expertise médicale en faveur des victimes de violences sexuelles, ainsi que le renforcement des capacités des prestataires de soins intervenant dans son domaine. Sylvain Baka Vivon, conseiller du gouverneur de Kayanza en charge des affaires socio-culturelles, soulignait que le projet arrive à point nommé dans un contexte où les cas de violence basées sur le genre sont en constante augmentation dans la province. Patrick Sengyumf. Le lancement officiel du projet Nduwagachiro de ce mardi à Kayanza a vu la participation des autorités administratives communales et provinciales dans cette province, les chargés du secteur judiciaire et les représentants provinciaux des organisations de la défense et des droits de l'homme dans cette localité. Kalilenge Christa Josiane, directrice de l'organisation Arufajiri chargée de la mise en œuvre du projet Nduwagachiro, a fait savoir que le projet vise à renforcer les actions existantes en matière de la défense et la promotion des droits des femmes, sans oublier la promotion de la santé sexuelle et reproductive chez la femme, ajoutait-elle. De son côté, Béatrice Barandereka, coordinatrice du projet, a précisé que pendant la période de la mise en œuvre du projet, des plaidoyers pour la gratuité de l'expertise médicale et des soins médicaux seront menés pour les femmes et filles victimes des violences sexuelles. Elle a indiqué qu'il est prévu aussi des séances de renforcement pour les prestataires des soins qui interviennent dans le secteur de la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que d'autres professionnels à la matière. Sylvie Bakanimona, conseiller socioculturel du gouvernement à Kayanza, a salué l'initiative de la mise en place de ce projet Nduagachiro, qui contribuera sans cesse à faire reculer les chiffres des violences basées sur le genre qui connaissent une croissance préoccupante ces jours-ci à Kayanza. Depuis janvier à Melankoura, on a enregistré en province Kayanza environ 475 cas de violences basées sur le genre de différentes natures. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio Isanganilo. Toujours dans cette même province, les autorités administratives de base dans la province de Kayanza appellent le voisinage ainsi que les parents des élèves victimes de grossesses précoces en milieu scolaire à ne pas les traumatiser car cela a des répercussions négatives sur leur santé. Tant les autorités administratives que les directeurs d'école sollicitent la collaboration des parents pour éradiquer les grossesses en milieu scolaire. Cet appel intervient alors que la direction provinciale de l'éducation dans cette province signale que 35 cas de grossesse ont été enregistrés au cours des deux premiers trimestres de l'année scolaire 2024-2025. Évariste Nzikoanyan. Je narimvira gusubira ku ishuri mugabo kumva zuko ntaro nkonsigira umwana nacyemvuga ati reka mbanze ntuze ndamorere. Isaji la do Janette Tuikeze de la colline Kinga de la zone et commune Kayanza. Après avoir conçu une grossesse précoce à milieu scolaire, elle a un enfant de plus d'une année. Elle relate le déroulement des faits et comment ses parents ont accueilli cette grossesse. Après avoir subi des conséquences énormes, elle prodigue des conseils aux autres élèves. Je ne peux pas dire que j'ai été violée. Ça serait un mensonge. Vous le savez, quand les gens sont dans le copinage, ce qui doit se passer, la conséquence est que j'ai fini par concevoir une grossesse, ce qui m'a poussée à abandonner l'école et rester à la maison pour m'occuper de mon enfant. Mes parents ont été mécontents contre moi suite à cet acte ignoble. Je conseillerais à d'autres filles qui sont sur le banc de l'école d'éviter de grossesses précoces, car ça a des conséquences néfastes sur la vie. Sur la colline Kinga, le voisinage indique que si une fois une élève rentre à la maison suite à une grossesse, alors qu'elle devrait ramener un diplôme, c'est un gros choc pour ses parents. Manira Gaba Justine est de la colline King. Cette situation de grossesse précoce en milieu scolaire est très préoccupante. Moi, personnellement, j'ai peur pour mes enfants-filles qui sont à l'école. C'est vraiment aberrant de voir les filles des voisins exclues de l'école suite à ces grossesses. La grossesse précoce met en débandade la famille, c'est considéré comme un sacrilège. Le chef de colline Kinga, Dieudonné Hazarimana, est parmi les autorités à la base qui interpelle le voisinage et les parents à ne pas traumatiser les victimes des grossesses en milieu scolaire, vu les conséquences relatives. L'important est de digérer d'abord ce qui s'est passé. Après, c'est le dialogue avec la victime de la grossesse précoce, tout en lui prodiguant des conseils de comment elle va se comporter, ce qui va éviter des conséquences néfastes sur sa santé. Les directeurs des écoles, surtout à régime d'externat en province Kayanza, disent observer un délaissement de certains parents à l'endroit des enfants. Ces autorités scolaires sollicitent le concours des parents pour éradiquer les grossesses précoces à milieu scolaire. Jacqueline Ndouayezo est directrice de l'Ecoforum Ganza 2. Les parents aujourd'hui qui ont délaissé les enfants qui sont victimes de grossesses non désirées, les parents peuvent prendre le temps pendant la nuit ou bien pendant le week-end pour dialoguer avec leurs enfants parce que l'enfant a besoin d'être accompagné par les parents, non pas par les enseignants seulement. La part des parents est très importante. dans le dialogue et dans l'encadrement de ces enfants. Le bureau provincial de l'éducation à Kayanza fait état de 31 cas de grossesse en milieu scolaire au cours de deux premiers trimestres de l'année scolaire 2024-2025 en cours. Et certains parents des zones Chibitoke-Lugombo dans la province de Chibitoke saluent les efforts de l'ONG, Service jésuite des réfugiés et de l'UNICEF. Ces derniers ont construit et équipé des salles de classe pour la maternelle dans le cadre du projet Komezawige. Cependant, ces parents demandent davantage l'approvisionnement en matériel didactique, la formation des enseignants et la construction d'autres classes. Une demande appuyée par la direction provinciale de l'éducation. Le point avec Sheida Ilambona. Ces enfants sont dans l'école Karurama 1 de la zone Chibitoke de la province Chibitoke, une des écoles de cette localité qui ont bénéficié de l'aide de la part de l'UNICEF à travers l'ONG GRS, un don constitué de salles de classe, équipements ainsi que de jouets pour les enfants. Marie Nizigama, une des maîtresses de ces enfants, indique que l'enseignement préscolaire aide ces enfants à rester éveillés. Pendant le moment de cours, nous les encourageons à participer en classe et se défaire de la timidité des débutants. Donc, nous essayons à ce qu'ils puissent collaborer avec les autres, participer en classe et ne pas se mettre à l'écart étant à l'école. Nzohabonimana Lydie, maîtresse de la première année à cette école, elle ajoute que l'enseignement reçu comme base aide l'enfant à bien continuer l'école fondamentale. L'enseignement préscolaire, sa grande partie du temps est consacrée à l'oral. Donc, l'enfant développe son langage et cela nous rend la tâche facile. Le maître responsable à cette école, Nikuman Emmanuel, salue le fait que l'UNICEF ainsi que le GRS ait équipé cette école d'une salle de classe. Selon lui, cette classe permet aux enfants démunis de s'intégrer à la communauté, mais il regrette qu'ils n'ont qu'une seule classe malgré la forte demande. Il demande à ses bienfaiteurs d'envisager de construire d'autres salles de classe. Nous avons un problème de matériel didactique. Nous avons aussi besoin d'autres salles de classe pour continuer à accueillir un nombre de parents aussi élevé que possible. La même situation se présente à l'Ekofo Chibitoke. Là, ce sont les parents qui saluent cette initiative des deux ONG internationales. Lorsqu'un enfant débute l'école à cet âge, il grandit avec une avance par rapport aux autres. Lorsque je laisse mon enfant à la maison sans occupation, je le trouve en train de faire du n'importe quoi. Mais lorsqu'il est à l'école, je suis tranquille. Je travaille tout en sachant qu'à l'heure dite, je vais le récupérer et je fais tranquillement mon travail. Cette école se trouve au centre Chibitoke et l'UNICEF ainsi que l'ONG JRS y ont construit deux salles de classe de l'enseignement préscolaire. Le corps professoral ainsi que la direction sollicitent de l'aide pour que d'autres salles de classe soient construites ainsi que des toilettes pour ces petits. Je demande à l'UNICEF c'est de nous construire au moins une autre salle pour avoir trois salles dans l'école maternelle. Même si maintenant je dis que c'est bon par rapport aux années antérieures, jusqu'à maintenant il nous manque des toilettes appropriées pour ces enfants. Et l'UNICEF a envoyé une délégation. Ils ont constaté ce défi. Nous espérons tôt ou tard et ils finiront par réagir. Non loin de là, à 7 km du centre Chibitoke, à l'école fondamentale Munika 1, une salle de classe a été également construite. Un des professeurs témoigne que malgré qu'ils soient équipés, ils ont besoin de matériaux didactiques ainsi que d'autres salles de classe. Ça serait bien si on mettait à notre disposition d'autres matériaux didactiques. Cela pourrait nous faciliter la tâche. Ce qui est également demandé par un parent de cette localité qui regrette qu'il y a des enfants qui restent toujours à la maison faute de place. Ces enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des places, ils restent à la maison et attendent de commencer en septembre. Ils déambulent. Nous demandons qu'on nous construise d'autres écoles. Au niveau du bureau provincial de l'éducation de Chibitoke, Javier Imana Célestin, inspecteur de l'éducation, indique indique qu'au niveau du ministère, ils essaient de trouver une solution à ces problèmes. Il appelle ses bienfaiteurs à continuer à les appuyer. Je tenais à remercier les travaux déjà faits par le programme GRS appuyé par l'UNICEF au niveau du préscolaire. Et nous souhaiterions que toutes les collines, il y aurait au moins une école où on apprend maternelle. L'ONG JRS, de leur côté, à travers le chef de projet, rassure qu'ils envisagent de le faire. Au cours de cette deuxième phase, nous allons encore mettre des infrastructures scolaires dans les écoles où on a déjà construites pour que même les enfants qui se trouvent à la maison puissent rejoindre l'école. Cette situation se présente ainsi alors que sur les 34 écoles fondamentales se trouvant dans la province Chibitoke, seules 18 possèdent une salle de classe préscolaire. Le Burundi a enregistré des progrès économiques fragiles en 2024, selon le rapport Pays de l'Afrique de la Banque africaine de développement BAD présenté ce mercredi. Le déficit budgétaire s'est réduit de 4,8% du PIB, tandis que le déficit du compte courant reste élevé à 8,5%. Le taux d'endettement s'établit à 43,2% du PIB, maintenant le pays dans une situation de risque élevé de surendettement. Lors de la présentation du rapport, Jean-Marie Vianney Dabiré, économiste pays en chef à la BAD, a souligné la nécessité pour le Burundi de renforcer la gouvernance économique, d'améliorer le climat des affaires et de lutter contre la corruption. Parle, rassure-moi. La chronique de ce mercredi sur la lutte contre les messages de haine aborde la perception actuelle des divisions ethniques, l'occupation de certains postes politiques, les interdictions persistantes des mariages interethniques restent des signes révélateurs des séquelles du passé basées sur l'appartenance ethnique, bien qu'il y ait une évolution précise. Chartier Nyungeko, expert en résolution pacifique des conflits, selon les témoignages des habitants de la colline Chumba, en commune Rutegama, province Murambia, les divisions ethniques ne sont plus une réalité actuelle. Mireille Kanyang. Les divisions ethniques ne sont plus d'actualité sur cette colline de Chumba, en commune Rutegama, témoignent ses habitants, comparant avec les années passées. Un expert en résolution pacifique des conflits, Chartier Nyungeko, estime qu'il y a eu une avancée en matière d'ethnie, bien qu'on ne saurait dire qu'il n'y a plus de discrimination ethnique. D'abord, la discrimination ethnique, c'est quoi? Par définition, c'est un traitement défavorable. C'est un traitement injuste envers un individu ou un groupe d'individus à cause de leur appartenance ethnique. En d'autres termes, si je peux me permettre de le dire, c'est qu'il y a quand même une évolution. Si nous comparons donc le passé et ce qui se passe aujourd'hui, quand même on peut dire qu'il y a un grand changement. Cependant, on ne peut pas confirmer à 100% qu'il n'y a plus de discrimination ethnique. De son côté, Yves Ninzigamye, secrétaire permanent de la commune Rutegama, trouve que ceux qui tirent encore sur la corde ethnique sont minés par le passé. Chartier Nyungeko suggère un cadre inclusif pour traiter le passé. Il y a quand même un pas qui est déjà amorcé. Mais la première cause, c'est qu'il y a un passé qui n'a pas été traité. Et prenons par exemple, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu les leurs. Il y a des gens qui souffrent toujours de la perte de leurs proches, de la perte des biens qu'ils avaient. Et cela suite à la discrimination ethnique. Alors, si ce passé n'a pas été traité, vous comprenez que c'est l'une des causes. L'autre cause, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, même s'ils ne sont pas victimes, si je peux, entre guillemets, victimes de la discrimination ethnique, il y a des gens qui jouent cette carte parce qu'ils savent bien que c'est une corde sensible dans notre pays pour accéder à des intérêts, pour accéder à des postes ou à des positions importantes dans la gestion de la vie du pays. Il y a son passé non traité. Il y a aussi cette carte, surtout certains leaders sociopolitiques qui jouent la carte ethnique pour accéder à des postes, de prise de décision à des postes pour lesquels ils savent dès qu'ils seront là. Il va quand même avoir certains avantages et bénéfices. On a besoin quand même de renforcer, de mettre encore plus d'efforts dans des mécanismes qui mettent toutes les tendances. Il faut qu'il y ait un cadre rassembleur. Cet expert appelle les Burundais à ne pas être esclaves du passé, un passé qui peut engendrer des violences dans les communautés, ce qui brise le tissu social. C'est par ici que mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mucho. Oh.